conseils. À l'heure où tu te couches, perds le sommeil. C'est vers le sommet que j'apporte cette touche personnelle. Chaque jour je taffe pour trouver les mots. Même agité, espèce de trou de balle, je suis pas là pour troubler les mômes. Illégal depuis le Barça de Romario. Je brasse des parasites, loin des parasites de mon barrio. Faut se débarrasser de la poisse qui nous colle à la peau. Alors arrête petit, dans nos têtes c'est fort à l'amour. J'avance avec cette lueur dans la rétine. Instinct de fauve, Farashnikov, tueur de reptiles. Je rectifie, je compte pas suivre leur directive. Si le rap me tend son cul, il se fera exploser recti. Mais les gaz, il est illégal, puis c'est viscéral. Je conviens viscéral, c'est pas le remake des Misérables. J'quitte mes raps pour ceux qui seront libérables. Pour le kid qui dérape, qui verra qu'y a plus rien qui lui fait rap. C'est marche ou crève, crève. C'est vaincre ou perdre. C'est marche ou crève. C'est vaincre ou perdre. Y'a une salope qui nous rend ouf. Elle s'appelle Fleury Mérogis. Elle a des chiens de garde qui surveillent sa fouve. Surveille ta bouffe, attiré par mon gros pénis. Un putain de gouffre caché dans la pantoufle. Bloc A, bloc B, bloc D. Bâtiment D5, bloqué, porté. Sauvage comme des canicules. Dans la France, c'est manipule. On t'y pute, plein de manicure portée. Je repense à cette époque où j'aimais trop les cloques. Où je voulais devenir un boss, assuré pour tout mon bloc. Où je me baladais avec des sacs de 10 kilos. J'investissais dans la sape, dans les chiennes, dans les capotes. Où je rêvais du Yougoslavie, de bicrave, des timbres là-bas. J'ai lâché tous mes gosses, là pour une j'ai là-bas. Je voulais une fin digne à la sans rémission. Les traites stopper la fellation. Je suis à la fin de ma life. C'est marche ou crève, crève. C'est vaincre ou perdre. C'est marche ou crève. C'est vaincre ou perdre. Toujours en roue libre, en roue libre. Ils croient nous tuer en nous enfermant. Reste poli quand tu vas au bowling, on va aux enterrements. La joue perso, je garde le ballon, y'a fouille. Mendo, ça t'exclut, les cannibales en raffolent. Chez nous, c'est ni la Bosnie, ni le club med. À la fête de la ville, les petits cris, nique le maire. Quand il pleure, nous on crée. Quand il meurt, nous on crève. On traîne avec des traîtres qui nous enterrent à la craie. C'est chelou, frère, marcher ou crever, gueule ouverte. Peu de choses nous freinent dans la course à la fraîche. À part les verrous freinent. Plus de vie rose pour les petits refrains. Plus de sirop de fraise, c'est tease et si rose. Ville on d'air, ma petite dose, on oublie le long terme. Les jours se suivent, dur de s'écarter d'hier. Fuck le futur, c'est carpe diem. Marche ou crève. J'crois que j'marche en mourant, on nous laisse croire qu'il y a de l'espoir, mais ils partent en courant. C'est marche ou crève. On les emmerde, man. Si personne te tend la main, tends la à tes frères là. C'est vaincre ou perdre. Un rythme infernal. Sois plus malin et prends la maille qui a à faire mal. C'est marche ou crève. On les emmerde, man. Si personne te tend la main, tends la à tes frères là. C'est vaincre ou perdre. Un rythme infernal, sois plus malin et prends la maille qui a à faire mal. C'est marche ou crève. ATS, si, si. C'est vaincre ou perdre.